Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux. Une présentation de votre magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. Pour vos différents achats estivaux, c'est Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini qu'il faut visiter. Que ce soit pour vos articles de sport, de piscine ou de barbecue, Canadian Tire offre une vaste gamme de prix qui répond à vos besoins. Surveillez de près la sortie de notre circulaire. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Tout notre personnel vous invite à magasiner en ligne au canadiantire.ca et vous souhaite une belle saison estivale. Merci votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant. C'est la 8e édition du marathon du lac à Jim en fin de semaine à Saint-Thomas-du-Dîne. En entrevue sur les ondes de danadosport.com, Gabriel Tati a mentionné que, encore une fois, le calibre sera très relevé et il y aura une belle brochette de nageurs aux 15 km. Le bouche à oreille fait son effet. On a plusieurs nageurs de la relève. On a 4 nageurs quand même qui vont en être à leur première présence là, aux 15 km. Okay. Avec le bouche à oreille, là, de plus en plus de clubs de Montréal descendent, là, même pour le 5 km de la Coupe Espoir, pour les autres compétitions. Là. Donc, non, on est super contents. Là. Ça se fait un peu tout. Donc, vous... Dans le deuxième temps, Gabriel Trottier mentionne que c'est une belle épreuve pour se préparer en vue de la traversée internationale du lac Saint-Jean. On va point dans le calendrier, 2 semaines avant les grosses compétitions qui s'en viennent. Dernier gros entraînement là, qui rapporte également. Là, ça nous permet de voir comment les autres compétiteurs sont préparés, comment nous on est préparés. Là, donc oui, c'est excellent là, pour la préparation pour la traversée. Est-ce que c'est difficile? Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, à noter que victoire de l'attaque de Saint-Prime 2-0 sur le FC de Saint-Félicien. Et dans le U14 féminin, victoire du Mistral 4-0 sur l'Union de Roberval. On va parler maintenant de Balmol. Il y avait des matchs hier, victoire à Roberval. Le Zodiac a défait Pierre de Tourroussel 9-8. Garma 15 à EW7. Et Megavac a défait Saint-Hubert 15-9. Et en terminant, ben, semble-t-il qu'on a de difficultés à trouver des gens pour les sabres de Roberval. On n'a toujours pas d'entraîneur à un peu plus de 2 mois du début du camp d'entraînement. Hier, la direction des sabres de Roberval a envoyé sur les médias sociaux un message mentionnant que les gens qui seraient intéressés à s'impliquer auprès des sabres, vous pouvez le faire en appelant les membres de la direction. On va tenter d'ailleurs de rejoindre Guy Larouche, le président, la semaine prochaine pour parler de ce dossier. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec le directeur général du club de golf, Michel Lallemand, de Chibougamau. Également, Michel Simard a écrit un livre sur l'histoire du golf à Alma. Il nous en parle. Et vous pouvez également écouter une entrevue que j'ai réalisée aussi avec Gabriel Trottier. Gabriel Trottier, qui est la responsable du lac à Jim, de la compétition qui a lieu en fin de semaine. Sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en écoute.